Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 14e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان يوم الدين. أما بعد، أولا أسأل عن الكلمة. ما معنى رأى يرى؟ مكتب البريد صندوق البريد البريد المسجل والمسجل على باز ما معنى مسجل لبس يلبس البريد العادي lettre normale أضمن plus sûr برقية برقية telegram أسرة famille هيا allez يعني نعم أرسل يرسل envoyer هنا ici. Ma'an. Ensemble. At-tariq. Chemin. Andek. Ils veulent envoyer une lettre. Qu'est-ce que tu as cool? Ils veulent envoyer une lettre. Yuridun. نعم يريد ان يرسل نعم يرسل رسالة طيب ان يرسل نعم يرسل نعم طيب وان النون ايوه ما زلنا معك نريد نعم نريد ان نرسل أين النون؟ يريدون أن يرسلوا. لماذا حذفت النون؟ قطع النون. يرسلوا. بعدين يريدون أن يرسلونا. قطع النون. نعم. لماذا؟ لأن صحيح ومن نون الآن لماذا أحسنت كلا نون وغلاف طيب قلنا كم اليوم ثالث ها الثالث طيب رابع الثالث فعله معا ونفصل طيب رابع نحول كما في النموذج نعم صح تفضل الجملة الأولى هو يريد أن يحفظ القرآن نعم أنت أنت تريدين أن تحفظ القرآن نعم هما رابع نحن نريد نحن نريد أن نكمل نحفظ القرآن نعم خامسا أنتما أنتما تريدان أن تحفظ القرآن أحسنت سادس هن هن يريدن أن يحفظ يحفظنا القرآن أحسنت لماذا ما حذفت النون هنا؟ كنت أبغى النون باسكو لو نون نا يرجين ا ال سان دومير On n'enlève pas. Non. Et le fir, quand il est accroché à Nun Niswa, il est même ni. Il ne change pas. Sabian, Anta. Anta Tulidu, Anta Hfadal Khatan. Faminan, Antunna. Antunna Tulidna, Anta Hfadna Al Khatan. Non. Anna. Tulidu, Anta Hfadal Khatan. سادسا املي الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة لما يلي الجمل الأولى آخر من كراما يريد الابن أن يرى والده نعم C'est ça, ouais. Un yara ou un lida. Yara, il reste le ya à la fin du yara. C'est pas un ya, c'est un alif. C'est un alif. Mm. Ah. Non, il bouge pas. L'enfant ou le fils de voir son père. Fanian. Yurid al-amilu an yalbasa malabisahu. Nam. Le travailleur veut revêtir ses vêtements. Falithan. البريد المسجل أدمان من البريد العادي. نعم. Le courrier recommandé est plus sûr que le courrier normal. رابعاً. صندوق البريد قريب من هنا. نعم. La boîte aux lettres est proche d'ici. خامساً. وصل الموظف إلى المكتب البريد مشياً على الأقدام. نعم. L'employé est arrivé à la poste en marchant sur ses pieds. Non. Tout à l'heure, tu as dit. C'est pas Andy, hein? C'est Indi. Indi. Attends, souvent on dit que tu mets une fatha sur le Aïd. Ah. On dirait, c'est l'impression que j'ai. Donc c'est Indi. Non. Non. Le Dod, là. Des fois, moi, j'entends pas Dod. J'entends pas. Il ressemble beaucoup, parce que l'angle lève. Là, c'est dans ta joue, tu vas l'apprendre. Il ressemble au Zah. Moi, on ne va pas parler de ça, moi, des langues. Ça, c'est dans ta joue, tu vas apprendre où placer ta langue. Le makharij des hurouf, comment les lettres sortent. Tu verras que le Zah, quand tu vas bien le prononcer, il ressemble au Zah. Là, quand tu vas entendre les gens parler, qui prononcent bien, tu vas voir, il ressemble au Zah. Là, il est entre le Del et le Zah. Tu vois, il ressemble un petit peu au Del. C'est la lettre qui est la plus dure à prononcer. Le don. Non. Vous avez peut-être le kof aussi, pour les gens qui sont au début, et le ayn pour certaines personnes. Par exemple, les anglophones, ils ont du mal avec le ayn. Beaucoup de mal. Non. Ikra. Taïb. Awalen. أجيب الأسئلة الآتية أين قابل إبراهيم صديقه سليما قابله في الطريق إلى مكتب البريد نعم ثانيا لماذا ذهب سليم إلى مكتب البريد ذهب إليه لأرسل لي نعم لي أرسل لا لي أرسلي لا من يرسل؟ من؟ آه ثالثا لماذا ذهب إبراهيم معه؟ لأنه يريد أن يرسل باقية إلى أسرته. نعم. رابعا لماذا لم يضع سليم رسالته في صندوق البريد؟ لأنه يريد أن يرسل رسالة بالبريد المسجل. نعم. أحسنت. ندخل في الوحدة الرابعة. أو ما زلنا في الوحدة الرابعة. ندخل في الدرس الثاني عشر. دوزيام لوسون. بعنوان في مكتب البريد. دون لا بوست. الكلمات الجديدة. المرسل. مرسل سي كوا؟ أيوة من اللي بخدو. C'est quoi? C'est un ism fa'il de Arsala Yursilu, c'est l'envoyeur. Donc celui qui envoie la lettre. Et là, ils l'ont pas mis, je crois que c'est dans le texte en plus. Et El Mursal, il est yi, avec une fatha El Kasra, c'est celui, c'est le destinataire. Celui à qui on envoie. Le Mursalu, il est yi, c'est le destinataire. Moursil, c'est l'expéditeur. Et le Moursel, il est ici, c'est le destinataire. Qima, on l'avait déjà pris, ça veut dire quoi? Qima? Qima, c'est la valeur. Non, il faut dire le prix aussi. Isol, c'est un reçu. Un bon, un reçu. Là dans le texte, hein. Dans d'autres paroles, ça peut avoir d'autres sens. L'arabe, c'est toujours comme ça. Mmh. L'arabe, c'est toujours comme ça. Tawabi'a, c'est des timbres. Ça peut dire autre chose aussi, ça. Ah, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Bah ouais, c'est ça aussi, tu vois. Donc, c'est langue arabe, ça date à tous les temps. Et ça date de tous les temps. Le je pense que c'est Tawabia, mais je ne suis pas sûr. Shubbek, c'est une grille, je crois. C'est la fenêtre, Shubbek. Ouais, c'est une petite ouverture avec une fenêtre. Parce que Shabaka, là-bas, c'est un filet, une chose comme ça. C'est un fil. Un filet. Donc Shubbek, ça doit être comme une fenêtre, peut-être recouvert d'un grillage ou un truc comme ça. Shubbek, grillage. Pas grillage. Et Andy, c'est une forme de peut-être une petite urne ou je sais pas. Une clôture. Là, c'est pas une clôture. T'as un récipient dans la... On va regarder dans la tienne. Avoisinant, à côté, en fait. Mujawir, avoisinant ou à côté. Et Djanib, c'est pareil, c'est pas. Non. Mais Djanib, c'est à côté aussi. Tu veux garder un nom, parce que, en fait, je vois. Tu vois il y a un verset, ça ressemble. Pardon. Fenêtre, ils disent fenêtre lucarne. Fenêtre lucarne. Fenêtre. Une petite fenêtre, quoi. Une lucarne. Une lucarne, c'est là-bas, c'est les fenêtres des greniers, dans les vieilles maisons. Ouais. Donc, c'est ça, plutôt une fenêtre, une baie. Ça, c'est une petite ouverture. Là, dans le texte, par rapport à ce qu'ils veulent dire. Petite. Tu peux mettre Nafisa aussi, comme ça. Non. Djanib, c'est côté. Côté. Ah, le côté, en fait. Non. Djanib, côté. Irsel envoie. C'est le mazdar de Arsala Yursilu. C'est l'envoi. A'la. C'est plus haut. Plus haut. Ça reste le tordil. De Alin. ce qui veut dire haut, et a'la, c'est plus haut. Et fouk, fouk, c'est fouk, au-dessus. C'est au-dessus. Aïsar, c'est l'une des personnes qui vient à la gauche. Tu peux dire Shimel aussi ou quoi, mais Aïsar, là, c'est la gauche. Et Yamin. Aïsar, roule en fait avec le matin. Non. Et Yamin, c'est le contraire. Yusar, j'entends Yassir. Yusra. Yusra. C'est la gauche aussi. Mais là, c'est masculin, là, c'est féminin. Il y a aussi Shimel. Il y a plusieurs façons de le dire. Non. Yamin, la droite. Lada, c'est Mana Inda. Faire lire dans le texte, ça fait qu'un demi-heure en général. Mana Inda, avoir, en fait, avec soi, sur le moment où on parle. Comme Marie, en fait, comme Marie. Non. Non. Aïdan, ça veut dire aussi, également. Yersal, on a dit, c'est un envoi, c'est ça, Yersal. Yersal, c'est un envoi. Et le Taraki, le Nahouya, le Sarfiya. Ça ne voit pas dans le texte directement. Tamam. Al-Hiwar. Salim, ma'a, al-Mouazzaf. Rabbi Hamdillah, il salim, a dit le morro. C'est bien, Salim. Taïb. Man, Salim. Tamam. Moi, t'as Mouazzaf. Tfaddala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. لدي رسالة مسجلة أريد إرسالها. Donc il dit j'ai une lettre recommandée, je voudrais l'envoyer. Ou je voudrais son envoi, mais là on va dire je voudrais l'envoyer. هاتي رسالة أكتبي اسم مرسلي وعنوانه على الجانب الأسياري في الأيسر. في الأيسر. نعم. Donc il dit Hati Risala, Hati, c'est-à-dire donne. Mm. Donne la lettre, écris le nom du destinataire et son adresse sur le côté, Al-Janib, Al-Aïsar, le côté gauche, Fi A'la Risala, en haut de la lettre. C'est-à-dire, écris le nom de l'expéditeur, du destinataire et son adresse sur le côté gauche. En haut de la lettre. En Wan, c'est le titre. On vous dit l'adresse aussi. Nam. Salim. Non. Il dit quel est le prix d'une lettre recommandée. Combien elle coûte. Donc il dit paye des riyals, il dit pas combien, et prend le reçu. Khouz, c'est le homme de Akhadha Yakhouzou. Khouz, prend. El Isol, c'est le reçu. Nam. Donc il dit je voudrais également des timbres postaux. في شباكي المجاوري على ما في ألف ولا على يمينك. نعم. يدي لتم صندوق petite fenêtre qui est à côté sur la droite. Salim. شكرا. نعم. merci. Un fond de la bosse, c'est-à-dire, désolé, je m'excuse. Vous avez une forme de politesse chez eux, je ne sais pas. Tout va bien. C'est pour ça de Bédaï.

faire. أريد حفظه وفن. لدي مصحف أريد حفظه. حفظ. كي المصدر حافظ يحفظه. حفظه. نعم. طيب ثانيا مع نحن. عندك داود. لدينا لا لدينا نعم لدينا مصحف نريد حفظه نعم ثالثا أنت لديك مصحف تريد حفظه نعم رابعا أنت لديك مصحف تريدين نعم تريدين حفظه حفظا خامسا أنتما لديكما مصحف تريدان حفظه نعم سادسا أنتم لديكم مصحف يريدون لا أنتم تريدون نعم حفظه أيوة أنتن أنتن لديكن مصحف تريدن حفظه نعم ثامنا هو لدي تقدم متصل كلمة هو لديه ما من هو بمت النبا ما تقول يا سبحان الله c'est quoi Comment tu dis fille et roi Tassian, hiya. Ladeya mushafu turidu hifza. Turidu hifza. Non. Huma. Huma. لديكما أيوة c'est ça لديكما مصحف attends c'est هما c'est pas انتما c'est غائب là لديهما لديهما le هاي devient كسرة لديهما مصحف أريد الحفظ لا يريدون لا هما كيف تقول يريداني نعم يريداني حفظه نعم يعني هما وضفهم انتبه هما لديهما مصحف يريداني دفن الغائب المؤنث كيف تقول لا كما تريد هي تريد او تريدان ايوه تريداني لديهما مصحف تريداني نعم هم لديهم لديهم مصحف يريد نعم حفظه هن لديهن نعم حين لديهن مصحف تريدن حفظه يريدن حفظه Sauf que là, si tu mets ta, là, c'est vous. Ouais, non, c'est cool. Donc là, tu peux laisser lire. Mmh. Allez. C'est pas comme le moufrad. Le moufanna. Thalithan. Non, ça, c'est ma faune. Alhamdulillah. Thalithan. Akmil jumlat al-atiya bi isti'amali ma bayna qawsayn. Ba bayna al-qawsayn. Donc, complète la phrase ou la phrase suivante en utilisant ce qu'il y a entre parenthèses. يقول لدي رسالة أريد إرسالها. Et cette phrase là, quand tu dis ça, elle équivaut à dire quoi? لدي رسالة أريد إرسالها. طيب, c'est le même sens. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Je sais, je vais essayer. Non. En tout cas, vous maintenant, vous avez trois mots à ajouter dans la phrase. À mettre dans leur place. Ada, lak, tfaddal, en. Les trois mots là, bilbarid, en musadjel, il est le hind. Tu dois les placer dans la phrase. Ladaya, risalatu. Salatun. Risalatun, musadjel. Là. Pourquoi? J'ai une lettre recommandée. Là. C'est pas ça, c'est pas là qu'il faut que tu le mettes. Il a pas dit Moussadjela. Donc je vois bien que le Moussadjela il correspond pas avec Rissala. Rissala est Mouannas, Moussadjela est Mouzakkar. Ça va pas aller ensemble. Nadaya Rissalatun, il est le Hindi. لا لدي رسالة بالبريد لا عبد الرحمن لدي رسالة أريد إرسالها بالبريد المسجل إلى tout simplement mais il y a rien de difficile mais fourrage Je ne comprends pas. J'ai pas compris l'exercice. En fait. Il faut rentrer les mots dans la phrase. Ah, mais faut tous les rentrer là. Bah ça y est, ne fais pas Franchement, j'ai. La daya al salatun ou l'idul c'est l'arabe il bari del musajjel il al hind. Il y a un dieu. J'ai pas compris le but de l'exercice là. C'est mettre là, ces mots là dans une phrase. Ouais, cette phrase-là. Je sais pas, il n'y a rien de. Ah ouais, c'est toi qui es parti loin, il n'y a rien de dur. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme si je te dis une chaise, assieds-toi, et toi tu cherches à aller. Assieds-toi juste sur la chaise. Il n'y a pas de piège. Juste ces mots-là, tu les places dans la phrase. Et à final, ben, ils se retrouvent tous les uns à la suite de l'autre dans la phrase. Ouais, mais c'est quoi le but ben, ça prouve que tu as compris la phrase. Et tu sais comment passer ces mots. Moi je pense que tu as compris, mais tu es parti loin. Tu t'es rendu la chose difficile. Plus difficile que le neuf. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Rabi'an, rattib al-kalimat al-atiya li tukawwina jumalan mufida. Donc, toi tu dois ordonner les mots suivants afin de faire une phrase mufida qui a un sens. Ce sera filbayt, inshallah. Donc là tu as des mots désordonnés, il faut que tu les classes. Tu les mets dans l'ordre afin d'obtenir une phrase droite, une phrase qui a un sens. Awalen, Risala, la lettre, qima, le prix ou la valeur, kam, combien, el musajjala. Donc avec ces quatre mots-là, tu fais une phrase. Faniyan, ashubak, fi, at-tawabi', al-mujawir. Il est dans le tableau au début. Ah ouais. C'est à côté. Thalithan, risalatun, ladayya, musajjalatun. Rabi'an, khamsata, idfa', riyalat. Khamisan, uridu, risalatan, ursila, an, turkiya, ila. Sadisan, كتبت المرسل أيضا اسم هل سابعا الطابع الطابع سبيا المفرد الطوابع تمام على الأعلى ضع الجانب ثامنا العنوان الجانب على كتبت Al-Aïsar. Vous avez cette phrase à faire. Et il n'y a aucun mot à ajouter. Ils sont tous là. C'est juste les mettre à leur place. Bismillah. Même vous avez les harakat à la fin des mots qui vous aident à les placer. Pour celui qui a la case qui se concentre bien, des fois il a un problème, il ne sait pas où mettre. La harakat peut l'aider à trouver la place. Taïeb. Je fais partie. Ikra. Il met le kalimat jadida. Merkaziyun. Central. Tazjil. C'est un enregistrement. C'est le mazar de Sajjala et Sajjilo. Tazjil. Ils ont dû mettre en troisième au lieu de mettre en premier. Le verbe qui est après, Sajjala Yusajjilu, son masdar c'est Tazjil, qui veut dire enregistrer, noter, plein de choses. Et leur but c'est faire un courrier recommandé. S'inscrire aussi. Dafa'a yadfa'u. Maman a dafa'a yadfa'u. Là c'est payé. Et si tu dis daf, daf, c'est un mazdar, daf. Non. Tu dis daf avec le taj, il va comprendre, daf. Comment tu veux le dire? Le pour dire, c'est quoi le prix? Tu dis pas daf. Tu dis quoi? Daf, c'est payé, c'est pas le prix. Ah, le prix, c'est siar, ou thamen, ou qima, comme on a dit. D'accord. Siar. Siar. طيب سأقرأ النص مفهوم الكلمات وصل سليم وإبراهيم إلى مكتب البريد المركزي donc سليم et إبراهيم sont arrivés à la poste centrale قابل سليم موظف البريد donc سليم a rencontré l'employé de la poste وطلب منه أن يسجل له رسالة et il désira de lui et qu'il enregistre on va dire plutôt qu'il fasse recommander pour lui pour une lettre qu'il lui fasse un recommandé d'une lettre là c'est ce qu'il veut dire par sajjala vous voyez qu'il lui fasse une lettre avec quelques réceptions أخذ موظف البريد قيمة التسجيل و طيب donc l'employé de la poste a يعني on va dire a pris le prix de du recommandé sa valeur l'argent quoi qui revient à recommander وأعطاه إيصالا بذلك il lui a donné un reçu pour cela أعطى c'est donner أعطى يعطي ça veut dire donner أعطاه il lui a donné إيصالا un reçu بذلك pour cela une preuve qu'il a bien fait un courrier recommandé اشترى سليم توابع بريد بخمسة ريالات من شباك المجاور. Donc Salim a acheté des timbres postaux pour 5 rial dans la fenêtre qui était à côté. C'est pas cher. 5 rial saoudi, c'est pas 5 rial yéménite. C'est pas la même valeur. Je crois que 1 rial saoudien, ça fait 50 rial yéménite. يقول أولا أجيب الأسئلة الآتية لو دغي أريبون كاستيون. أولا هل ذهب سليم إلى مكتب الهاتف أو إلى مكتب البريد؟ Donc est-ce que Salim s'est rendu au poste de communication de téléphone, on va dire, ou à la poste? الهاتف c'est le téléphone. ثانيا لماذا ذهب سليم إلى مكتب البريد؟ Pourquoi Salim s'est-il rendu à la poste? ثالثا هل رسالة سليم بالبريد العادي أو بالبريد المسجل؟ Est-ce que la lettre de Salim est par le courrier normal ou par courrier recommandé؟ رابعا كم ريالا دفع سليم قيمة للتسجيل؟ Donc combien a-t-il payé en rial ou Salim combien Salim a payé en rial la valeur de l'enregistrement du recommandé؟ خامسا بكم اشترى سليم التوابع؟ Donc combien a acheté ou pour combien a acheté Salim de timbre؟ Le taxiphone. Non, ça peut être aussi là où tu payes les factures au téléphone. Taxiphone, c'est tisolat, comme ils disent. Hatif, c'est bon. Téléphone. Mafoumada? Oui. Hada li radin, inshallah. Wantahina mine ad-dars athani achar. Bifadlillah. Alhamdulillah, rabbil alamin.